monsieur de la Miranda, qui voulait bien qu'on la dansa, qui voulait bien qu'on la dansa. C'est monsieur de la Miranda, qui voulait bien qu'on la dansa, qui voulait bien qu'on la dansa. Les deux mains sur la tête, et dansons dans la tour nicotine, et dansons dans la tour nicotine, et dansons dans la tour nicotine, et dansons dans la tour nicotine. C'est monsieur de la Miranda, qui voulait bien qu'on la dansa.